Chapitre 12 de Le crime d'Orcival par Émile Gaboriau. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Bidou. Chapitre 12. À 26 ans, le comte Hector de Trémorel était le modèle achevé, le parfait idéal du gentilhomme viveur, tel qu'il peut l'être à notre époque, inutile à soi et aux autres, nuisible même, semblant mis sur terre expressément pour jouir aux dépens de tout et de tous. Jeune, très noble, élégant, riche à millions, doué d'une santé de fer, ce dernier descendant d'une grande race gaspillait le plus follement, d'aucuns disaient le plus indignement du monde, et sa jeunesse et son patrimoine. Il est vrai qu'à ses excès de tous les genres, il avait conquis une magnifique et peu enviable célébrité. On citait ses écuries, ses équipages, ses gens, son mobilier, ses chiens, ses maîtresses. Ses chevaux de rebut faisaient encore prime. Et une drôlesse distinguée par lui acquérait aussitôt une valeur plus grande, comme un effet de commerce sur lequel tomberait la signature de M. de Rothschild. N'allez pas croire au moins que ce jeune homme fût né mauvais. Il avait eu du cœur et même de généreuses idées, autrefois, à 20 ans. 6 années de bonheur malsain l'avaient gâté jusqu'à la moelle. Vaniteux jusqu'à la folie, il était prêt à tout pour garder sa famosité. Il avait l'égoïsme farouche et terrible de quiconque n'a jamais eu à s'occuper que de soi et n'a jamais souffert. Enivré jusqu'au vomissement des plates fagorneries de soi-disant amis qui attiraient son argent, il s'admirait en conscience, prenant pour de l'esprit son cynisme brutal, et pour du caractère son superbe dédain de toute morale, son manque absolu de principe et son scepticisme idiot. Et faible avec cela, ayant des caprices, jamais une volonté, faible comme l'enfant, comme la femme, comme la fille. On retrouve sa biographie dans tous les petits journaux du moment, qui colportaient à l'envi les mots qu'il faisait ou qu'il aurait pu faire à ses heures de loisir. Ses moindres faits et gestes sont relatés. Une nuit, soupant au café de Paris, il jette toute la vaisselle par la fenêtre. C'est 1000 louis qu'il en coûte. Bravo, le lendemain après boire, il fait scandale avec une drôlesse dans une loge d'avant-scène et il faut l'intervention du commissaire de police. On n'est pas plus régence. Un matin, Paris Badaud apprend avec stupeur qu'il s'envole en Italie avec la femme du banquier Hitz, une mère de famille de 19 ans. Il se bat en duel et blesse son adversaire. Quel courage! La semaine suivante, c'est lui qui reçoit un coup d'épée. C'est un héros. Une fois, il va à Bade et fait sauter la banque. Une autre fois, après une séance de jeu de 60 heures, il réussit à perdre 120 000 francs contre un prince russe. Il est de cet esprit que le succès exalte, qui convoite les applaudissements, mais qui jamais ne s'inquiète de la nature de ce qu'ils obtiennent. Le comte Hector était un peu plus que ravi du bruit qu'il faisait par le monde. Avoir sans cesse son nom ou ses initiales dans les bulletins du monde parisien lui paraissait le comble de l'honneur et de la gloire. Il n'en laissait rien paraître, toutefois. Et même, avec une désinvolture charmante, il disait, après chaque nouvelle aventure, « Ne cessera-t-on jamais de s'occuper de moi ?» Puis, dans les grandes occasions, empruntant un mot à Louis XV, il disait « Après moi, le déluge !» Le déluge arriva de son vivant. Un matin du mois d'avril, son valet de chambre, qui était un bâtard scrofuleux de quelques portiers parisiens, par lui formé, dressé et stylé, l'éveilla sur les 9 heures en lui disant « Monsieur, il y a dans l'antichambre, en bas, un huissier, qui vient, à ce qu'il prétend, pour saisir les meubles de monsieur. » Hector se retourna sur ses oreillers, bâilla, se détira et répondit « Eh bien, dis-lui de commencer l'opération par les écuries et les remises, et remonte m'habiller. » Il ne parut pas autrement ému, et le domestique se retira surpris et émerveillé du flegme de son maître. C'est que le comte avait du moins ce mérite de savoir où juste à quoi s'en tenir sur sa situation financière. Et cette invasion de l'huissier, il la prévoyait, je dirais plus, il l'attendait. Il y avait 3 ans qu'à la suite d'une chute de cheval qui le mit sur le lit 6 semaines, le comte de Trémorel avait mesuré la profondeur du gouffre où il courait. Alors il pouvait encore se sauver. Mais quoi ? Il lui eût fallu changer son genre de vie, réformer sa maison, apprendre qu'il faut 20 pièces d'un franc pour faire un louis. Fi ! Jamais ! Il lui parut que donner un louis de moins par mois à sa maîtresse en titre, ce serait rogner d'un centimètre le piédestal que lui avaient élevé ses contemporains. Plutôt mourir. Et après mûre réflexion, il se dit qu'il irait jusqu'au bout. Ses aïeux ne mourraient-ils pas tout d'une pièce? Le mauvais quart d'heure venu, il s'enfuirait à l'autre bout de la France, démarturerait son linge et se ferait sauter la cervelle au coin de quelques bois. L'échéance fatale était arrivée. C'est qu'à force de contracter les obligations, de signer des lettres de change, de renouveler des billets, de payer les intérêts et les intérêts des intérêts, de donner des commissions et des pots de vin, d'emprunter toujours et de ne jamais rendre, Hector avait dévoré le patrimoine princier, près de 4 millions en terres, recueillis à la mort de son père. L'hiver qui venait de s'écouler lui avait coûté 50 000 écus. Il y avait 8 jours qu'ayant tenté un dernier emprunt de 100 000 francs, il avait échoué. On l'avait refusé. Non que ses propriétés ne valussent plus qu'il ne devait, mais les prêteurs sont prudents, et ils savent l'incroyable dépréciation des biens vendus aux enchères. C'est pourquoi le valet de chambre du comte de Trémorel, entrant et disant « Monsieur, c'est l'huissier !» semblait en réalité quelque spectre de commandeur, criant « Au pistolet, maintenant !» Il prit crânement l'avertissement et se leva en murmurant « Allons, c'est fini !» Il était fort calme et plein d'un beau sang-froid, bien qu'un peu étourdi. Mais le vertige est assez excusable. Lorsque, sans transition, on passe de tout à rien, sa conviction étant qu'il faisait sa dernière toilette, il ne voulait pas qu'elle fût inférieure à ses toilettes de tous les jours, parbleu. C'est en grande tenue de cour que la noblesse française allait au combat. En moins d'une heure, il fut prêt. Il passa, comme d'ordinaire, sa chaîne de montre à coulant de brillants dans la boutonnière de son gilet. Puis il glissa dans la poche de côté de son léger par-dessus une paire de mignons pistolets à deux coups, à crosse d'ivoire, chef-d'œuvre de Brit, l'artiste armurier anglais. Alors il renvoya son domestique. Et, ouvrant son secrétaire, il inventoria ses suprêmes ressources. Il lui restait 10 000 et quelques cent francs. Avec cette somme, il pouvait entreprendre un voyage, prolonger son existence de 2 ou 3 mois. Mais il repoussa avec horreur la pensée, indigne de son bon caractère, d'un misérable subterfuge, d'un sursis déguisé, d'un recours en grâce. Il songea au contraire que ces 10 billets de 1 000 francs allaient lui permettre une somptueuse largesse dont il serait parlé dans le monde. Il se dit qu'il serait chevaleresque d'aller demander à déjeuner à sa maîtresse et de lui faire cadeau de cet argent au dessert. Pendant le déjeuner, il serait étourdissant de verve, de gaieté, de scepticisme railleur. Puis, à la fin, il annoncerait son suicide. Cette fille ne manquerait pas d'aller partout raconter la scène. Elle répéterait sa dernière conversation, son testament politique. Et le soir, on en causerait dans tous les cafés. Il en serait question dans tous les journaux. Cette idée, ses perspectives d'éclat, le réjouirent singulièrement et le réconfortèrent tout à fait. Il allait sortir lorsque son regard tomba sur l'amas de paperasse que contenait son secrétaire. Peut-être y trouvait-il un écrit oublié, capable de ternir la pureté d'acier de sa mémoire. Vivement, il vida les tiroirs dans la cheminée, sans regarder, sans choisir, et mit le feu à cette masse de papier. C'est avec un sentiment d'orgueil bien légitime qu'il regardait s'enflammer tous ces chiffons, lettres d'amour ou lettres d'affaires, double obligation, titre de noblesse ou de propriété. N'était-ce pas son passé éblouissant qui flambait à mettre le feu dans la cheminée? Le dernier chiffon était consumé. Il songea à l'huissier et descendit. Cet officier ministériel, dans l'exercice de ses fonctions, n'était autre que Maître Z, huissier audiencier, le mieux mis et le plus poli des huissiers, homme de goût et d'esprit, ami des artistes, poète lui-même à ses heures. Il avait déjà saisi dans les écuries 8 chevaux, avec leurs harnachements, selles, brides, mors, couvertes, et dans la remise, 5 voitures avec leurs appareaux, coussins doubles, capotes mobiles, timons de rechange, lorsqu'il aperçut dans la cour le comte Hector. « Je procédais fort lentement, monsieur le comte, lui dit-il après l'avoir salué. Peut-être désirez-vous arrêter les poursuites. La somme est importante, il est vrai, mais dans votre position ?»« Sachez, monsieur, répondit superbement monsieur de Trémorel, que si vous êtes ici, c'est que cela me convient. Mon hôtel ne me plaît plus. Je n'y remettrai jamais les pieds. Ainsi, vous êtes le maître. Allez !» Et pirouettant sur ses talons, il s'éloigna. Et Maître Z, bien illusionné, se remit à l'œuvre. Il allait de pièce en pièce, admirant et saisissant. Il décrivait les coupes de vermeil gagnées aux courses, les collections de pipes, les trophées d'armes. Il saisit la bibliothèque, un meuble splendide, et tous les volumes qu'elle contenait, un manuel d'hippiatrique, la chasse et la pêche, les mémoires de Casanova, le duel et les duellistes, Thérèse, la chasse aux chiens d'arrêt. Pendant ce temps, le comte de Trémorel, plus que jamais résolu au suicide, remontait le boulevard, se rendant chez sa maîtresse, qui occupait près de la Madeleine un petit appartement de 6 000 francs. Cette maîtresse, Hector l'avait 8 ou 10 mois auparavant, lancée dans le demi-monde, sous le nom de Miss Jenny Fancy. La vérité est qu'elle s'appelait Pélagie Taponnet, et qu'elle était, sans que le comte s'en doutât, la sœur adultérine de son valet de chambre. Protégée par le comte de Trémorel, Miss Fancy a eu dans le demi-monde parisien un réel et bruyant succès de toilette et de beauté. Elle était loin cependant d'être belle, dans l'acceptation classique du mot. Mais elle présentait le type accompli du joli parisien, type qui, pour être de pure convention, n'en a pas moins des admirateurs passionnés. Elle avait des mains délicates, d'un dessin parfait, un pied mignon, de superbes cheveux châtains, la dent blanche du chat, et par-dessus tout, de grands yeux noirs insolents ou langoureux, caressants, provoquants, des yeux à faire descendre les seins de pierre de leur niche. Miss Fancy n'était pas fort intelligente, mais elle eut vite pris le facile bagou des coureuses de première représentation. Enfin, elle faisait valoir ses toilettes excentriques. Le comte l'avait ramassée dans un bal public de bas étage où, un soir, par le plus grand des hasards, il était entré, pendant qu'elle dansait des pas risqués, en bottines percées. En moins de 12 heures, sans transition, elle passa de la plus affreuse misère à un luxe dont, évidemment, elle ne pouvait même avoir l'idée. Éveillée un matin sur le grabat malpropre, la cabinet garnie à 12 francs par mois, elle s'endormit le soir sous les courtines de satin d'un lit de palissandre. Cet éblouissement changement ne la surprit pas autant qu'on le pourrait supposer. Il n'est pas à Paris de fillettes un peu jolies qui n'attendent, pleines de confiance, des aventures plus surprenantes encore. Il faut à l'artisan enrichi 15 ans pour s'habituer à l'habit noir. La parisienne quitte sa robe de 6 sous pour le velours et la moire, et on jugerait que jamais elle n'a porté autre chose. 48 heures après son installation, Miss Fancy avait mis ses domestiques sur un bon pied. On lui obéissait au doigt et à l'œil, et elle faisait marcher comme il faut ses couturières et ses modistes. Cependant, le premier étourdissement d'un plaisir absolument nouveau se dissipa vite. Bientôt, Jenny, seule une partie de la journée dans son bel appartement, ne sut plus à quelle distraction se prendre. Ses toilettes, qui d'abord l'avaient transportée, ne lui disaient plus rien. La jouissance d'une femme n'est complète que doublée de la jalousie des rivales. Or, les rivales de Fancy habitaient au faubourg du Temple, tout en haut près de la barrière. Elles ne pouvaient envier sa splendeur qu'elles ne connaissaient pas. Et il lui était absolument interdit d'aller se montrer à elles, d'aller les éclabousser. À quoi bon alors une voiture ? Quant à Trémorel, Jenny le subissait, ne pouvant faire autrement. Il lui semblait le plus ennuyeux des hommes. Ses amis, elle les considérait tous comme des êtres assommants. Peut-être sentait-elle un écrasant mépris sous les manières ironiquement polies, et comprenait-elle combien peu elle était pour tous ces gens riches, ces viveurs, ces joueurs, ces blasés, ces repus. Ses plaisirs, et encore elle les goûtait modérément, étaient une soirée chez quelques femmes dans sa position, une nuit de baccarat où elle gagnait, un souper où elle gâchait tout. Le reste du temps, elle s'ennuyait. Elle s'ennuyait à périr. Elle avait la nostalgie de la ruelle fangeuse de son quartier, de son garni infect. 100 fois, elle eut envie de planter la Trémorel, de renoncer à son luxe, à son argent, à ses domestiques, et de reprendre son ancienne existence. 10 fois, elle fit son paquet. Toujours, l'amour-propre la retint, au dernier moment. Telle est, aussi exactement que possible, la femme chez laquelle, ce matin de la saisie, le comte Hector se présenta sur les 11 heures. Certes, elle ne l'attendait guère si matin, et elle fut bien surprise quand il lui annonça qu'il venait lui demander à déjeuner, la priant de faire se dépêcher la cuisinière, parce qu'il était fort pressé. Jamais Miss Fancy n'avait vu son amant si aimable. Jamais surtout elle ne l'avait vu si gai. Tant que dura le déjeuner, il fut, comme il se l'était promis, étincelant de verve. Le café servi, Hector jugea le moment opportun pour parler. « Tout ceci, mon enfant, dit-il, est une préface, destinée à te préparer à une nouvelle assez surprenante. Donc, tu sauras que je suis ruiné. » Elle le regarda ébahi, paraissant ne pas comprendre. « J'ai dit ruiné, insista-t-il en riant très fort. « Tout ce qu'il y a de plus ruiné, ruiné à plate couture. « Ah, tu veux te moquer de moi, tu plaisantes. »« Jamais je n'ai parlé si sérieusement, reprit Hector. « Cela te semble invraisemblable, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est pourtant très vrai. » Les grands yeux de Jenny interrogeaient toujours. « Que veux-tu » continua-t-il avec une superbe insouciance. « La vie est comme une grappe de raisin qu'on mange lentement, grain à grain, ou dont on exprime le sucre dans un verre, pour le boire d'un trait. J'ai choisi la seconde méthode. Ma grappe à moi se composait de 4 millions. Ils sont bus. Je ne la regrette pas. J'ai eu de la vie pour mon argent. Mais à présent, je puis me flatter d'être aussi gueux que n'importe quel gueux de France. Tout à 7 heures est saisi chez moi. Je suis sans domicile. Je n'ai plus le sou. Il parlait, s'animant au choc des pensées diverses qui se pressaient tumultueusement dans son cerveau, s'exaltant au cliquetis des mots. Et il ne jouait pas la comédie. Sa bonne foi était complète, intacte, entière. Il ne songeait même pas à se trouver bien. Mais alors, hasarda Miss Fancy, quoi, tu te trouves libre? Cela va sans dire. Elle ne savait trop encore si elle devait s'affliger ou se réjouir. Oui, déclara-t-il, je te rends ta liberté. Jenny eut un geste sur lequel Hector se méprit. Oh, mais sois tranquille, ajouta-t-il vivement. Je ne te quitte pas ainsi. Je ne veux pas que demain tu te trouves dans l'embarras. Le loyer ici étant à ton nom, le mobilier te reste. Et de plus, j'ai songé à toi. J'ai là dans ma poche 500 louis. C'est toute ma fortune, je te la porte. Il lui présentait en même temps sur une assiette, imitant en riant les garçons de restaurant qui rapportent la monnaie, ses 10 derniers billets de 1 000 francs. Elle les repoussa avec horreur. « Eh bien, » fit-il, reprenant son ton d'homme supérieur, « voilà un bon mouvement, mon enfant, c'est bien, très bien. Je l'ai toujours pensé, vois-tu, et toujours dit, tu es une bonne fille. Trop bonne même, il faudra te corriger. Oui, elle était bonne fille, Miss Jenny Fancy, autrement dit, Pélagie Taponnet. Car au lieu de serrer les billets de banque et de mettre Hector à la porte, comme c'était incontestablement son droit, elle essaya, le croyant très malheureux, de le consoler, de le réconforter. Depuis que Trémorel lui avait confessé qu'il était sans le sou, elle ne le haïssait presque plus. Et même, par un revirement fréquent chez les femmes de cette trempe, elle commençait à l'aimer. Hector, saisi, sans asile, n'était plus l'homme terrible, payant pour être le maître. Le millionnaire dont un caprice rejette au ruisseau la femme qu'il en a tirée par fantaisie. Ce n'était plus le tyran, l'être exécré. Ruiné, il descendait de son piédestal, il rentrait dans le droit commun. Il redevenait un homme comme les autres, préférable aux autres, étant vraiment remarquablement beau. Puis, prenant pour un généreux élan du cœur le dernier artifice d'une vanité malade, Fancy était extrêmement touché de ce don de 10 000 francs. « Tu n'es pas si pauvre que tu dis, » reprit-elle, « puisque tu as encore cette somme. » « Eh, cher enfant, c'est à peine ce que tu me coûtes par mois. Je t'ai donné tout autant, 2 ou 3 fois, pour quelques petits diamants que tu portais une soirée. » Elle réfléchit un moment, et tout étonnée, comme après une découverte. « Tiens, » dit-elle, « c'est pourtant vrai. Depuis longtemps, et tant ne s'était autant amusé. » « Mais, » reprit gravement Miss Fancy, « je puis dépenser moins, oh oui, beaucoup moins, et être, je te l'assure, tout aussi heureuse. Autrefois, avant de te connaître, quand j'étais jeune, elle avait 19 ans, 10 000 francs me semblaient une de ces sommes fabuleuses dont on parle, mais que peu d'hommes ont vu réunis en un seul tas, que bien peu ont tenu entre les mains. » Elle essayait de glisser les billets dans la poche du comte, qui se défendait. « Ainsi, tiens, reprends, garde. Que veux-tu que j'en fasse ? Je ne sais, mais il me semble que cet argent peut en rapporter d'autres. Ne peux-tu jouer à la bourse, parier aux courses, gagner à bad, tenter quelque chose, enfin ? J'ai entendu parler de gens qui maintenant sont riches comme des rois, qui ont commencé avec rien, et qui n'avaient pas ton éducation à toi, qui a tout vu, qui connaît tout. Que ne fais-tu comme eux ? » Elle parlait vivement, avec cet entraînement de la femme qui cherche à faire triompher son idée. Et lui la regardait, stupéfait de lui trouver cette sensibilité, cet intérêt désintéressé à sa personne, plus étonné qu'un procédeur de l'école, qui, préparant sa leçon, rencontrerait le cœur de son sujet à droite, au lieu de le découvrir à gauche. « Tu veux bien, n'est-ce pas ? » insistait-elle. « Tu veux bien ?» Il secoua l'espèce de torpeur pleine de charme où le plongeait la mine câline de sa maîtresse. « Oui, lui dit-il, tu es une bonne fille. Mais prends ces 500 louis, puisque je te les donne. Et ne t'inquiète de rien. Mais toi, as-tu encore de l'argent ? Que te reste-t-il » « J'ai encore. » Il s'arrêta, inspectant ses poches, comptant l'or de son porte-monnaie, ce qui ne lui était jamais arrivé. « Ma foi, il me reste 340 francs. « C'est bien plus qu'il ne me faut aussi avant de partir. Je veux donner 10 louis à tes domestiques, ils m'ont bien servi. « Et que deviendras-tu après, mon Dieu ?» Il se posa sur sa chaise, caressant négligemment sa belle barbe et ajouta « Je vais me brûler la cervelle. « Oh ! » s'écria-t-elle effrayée. Hector supposa que la jeune femme doutait. Il sortit de sa poche ses petits pistolets à crosse d'ivoire et les lui montrant. « Tu vois, lui dit-il, ces joujoux ? Eh bien, en te quittant, je vais aller quelque part, n'importe où, J'appuierai les canons comme ça sur mes tempes. Il faisait le geste. Je presserai la détente et tout sera dit. Elle le regardait, la pupille dilatée par l'épouvante, pâle, le sein ému. Mais en même temps, elle l'admirait. Elle était émerveillée de tant de courage, de ce calme, de cette insouciance railleuse. Quel dédain superbe de la vie! Dévorer sa fortune et se tuer après, sans cris, sans pleurs, sans regrets, lui paraissait un acte d'héroïsme inouï, sans exemple, sans pareil. Et dans son extase, il lui semblait que devant elle se dressait un homme nouveau, inconnu, beau, radieux, éblouissant. Elle se sentait prise pour lui de tendresse infinie. Elle l'aimait, comme jamais elle n'avait aimé. En elle s'éveillaient des ardeurs ignorées. « Non » s'écria-t-il, « non, cela ne sera pas !» Et, se levant brusquement, elle bondit jusqu'à Hector. Elle s'était suspendue au cou de son amant. Et la tête rejetée en arrière pour le bien voir, pour plonger ses yeux dans les siens, elle continuait. « Tu ne te tueras pas, n'est-ce pas? Tu me le promets, tu me le jures. Non, ce n'est pas possible. Tu ne le voudrais pas. C'est que je t'aime, vois-tu, je t'aime. Moi qui ne pouvais pas te souffrir autrefois. Ah, je ne te connaissais pas, tandis que maintenant. Va, nous serons heureux. Toi qui as toujours vécu dans les grandeurs, tu ne sais pas ce que c'est que 10 000 francs. Mais je le sais, moi. On peut vivre longtemps, très longtemps et très bien avec cela. Sans compter que si nous voulons vendre tout ce qu'il y a ici d'inutile, les chevaux, la voiture, mes diamants, mon cachemire vert, nous en tirerons bien le triple, le quadruple même de cette somme. 30 000 francs, c'est une fortune. Songe à ce que cette somme représente de jours de bonheur. » Le comte de Trémorel secouait la tête négativement, souriant, ravi. Oui, il était ravi. Sa vanité, délicieusement chatouillée, s'épanouissait à la chaleur de cette passion qui jaillissait des yeux si beaux de Miss Fancy. Voilà comment on l'aimait, lui, comment on le regrettait. Quel héros le monde allait perdre. « Car nous ne resterons pas ici, » poursuivit Jenny. « Nous irons nous cacher à l'autre bout de Paris, dans un petit logement. Tu ne sais pas, toi, du côté de Belleville, sur les hauteurs, on trouve pour 1 000 francs par an des logements délicieux, entourés de jardins. Comme nous y serions bien, serrés l'un contre l'autre. Tu ne me quitterais jamais, car je serais jalouse, vois-tu. Oh, mais jalouse! Nous n'aurions pas de domestique, et tu verrais comme je sais bien tenir notre petit ménage. » Et Thor ne répondait toujours pas. « Tant que durera l'argent, » continuait Jenny, « nous rirons. » Quand il n'y en aura plus, si tu es toujours décidé, tu te tueras. C'est-à-dire, nous nous tuerons ensemble. Mais pas avec un pistolet, n'est-ce pas? Cela doit faire trop de mal. Nous allumerons un grand réchaud de charbon, nous nous endormirons dans les bras l'un de l'autre et tout sera dit. Il paraît qu'on ne souffre pas du tout. Une de mes amies, qui avait déjà perdu connaissance quand on a enfoncé sa porte, m'a dit qu'elle n'avait rien senti, qu'un peu de mal à la tête. Cette proposition tira Hector de l'engourdissement voluptueux où l'avait maintenu les regards et l'étreinte de sa maîtresse. Elle réveillait en lui un souvenir qui froissait toutes ses vanités de gentilhomme et de viveur. 3 ou 4 jours auparavant, il avait lu dans un journal le récit du suicide d'un marmiton de chez Bachette, qui, dans un accès de désespoir amoureux, avait dérobé chez son patron un réchaud et était allé s'asphyxier bravement dans son taudis. Même avant de mourir, il avait écrit à son infidèle une lettre très touchante. Cette idée de finir comme le cuisinier le fit frémir. Il entrevit la possibilité d'une comparaison horrible. Quel ridicule! Et le comte de Trémorel, qui avait passé sa vie à faire profession de tout braver, avait une peur folle du ridicule. Aller se faire périr par le charbon à Belleville avec une grisette? Horreur! Il dénoua presque brutalement les bras de Miss Fancy et les repoussa. Assez de sentiments comme cela, dit-il de son ton d'autrefois. « Tout ce que tu dis, ma chère enfant, est fort joli, mais est complètement absurde. Un homme de mon nom ne déchoit pas, il meurt. » En retirant de sa poche les billets qui avaient glissé Miss Fancy, il les rejeta sur la table. « Allons, adieu !» Il voulait sortir, mais rouge, échevelé, l'œil flamboyant de résolution, Jenny courut se placer devant la porte. « Tu ne sortiras pas !» criait-elle. « Je ne veux pas, tu es à moi, entends-tu, puisque je t'aime. Si tu fais un pas, j'appelle !» Le comte de Trémorel haussa les épaules. « Il faut pourtant en finir, dit-il. Tu ne passeras pas. Fort bien, ce sera donc ici que je me ferai sauter la cervelle. » Et sortant un de ses pistolets, il l'appuya contre sa tempe en disant « Si tu appelles, si tu ne me laisses pas le passage libre, je tire. » Si Miss Fancy eut appelé, très certainement, le comte de Trémorel lui pressait la détente. Il était mort. Mais elle n'appela pas, elle ne le put. Elle poussa un grand cri et tomba évanouie. « Enfin !» fit Hector, remettant son arme dans sa poche. Aussitôt, sans prendre le soin de relever sa maîtresse qui gisait à terre, il sortit, refermant la porte à double tour. Puis, dans l'antichambre, ayant appelé les domestiques, il leur remit 10 louis pour se les partager et s'éloigna rapidement. Fin du chapitre 12.